Question 29. Pour tourner à gauche, je dois serrer à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais céder le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D.